Les découvertes musicales de Fadjet. Hello tout le monde, aujourd'hui c'est la découverte de l'artiste Eyal, tennisman de haut niveau tout juste trentenaire. Le Toulousain a troqué la raquette pour la guitare. Il s'est fait connaître avec son titre On dirait le bonheur qui a obtenu près d'un million de streams. Cette fin d'année, Eyal revient avec Champion, un titre rédempteur sur son parcours de tennisman qu'on écoute tout de suite. Depuis petit, je porte une peine. Pourquoi, pour qui courir après moi-même? À bout de souffle, à bout de force, moi j'ai deux jambes, deux bras, voir en dessous craquer les corps si mon cœur est là. Mais un cœur, ça sert à quoi? Tu me dis rêve, champion, fais mordre la poussière. Tu me dis aime, champion, sans regarder derrière. Cours champion, saute champion, c'est toujours le même air. Désolé papa, ouais, mais je sais pas comment faire. Aujourd'hui seul, je descends dans l'arène. Je me souviens de tes mots, tes rengaines. J'ai appris par cœur, appris de mes erreurs, et tellement appris de toi. Peu importe le rêve, ouais, tant qu'on y croit. Et tu croyais en moi. Tu me dis rêve, champion, fais mordre la poussière. Tu me dis sans regarder derrière. Cours champion, saute champion, c'est toujours le même air. Et merci papa, paraît que t'es fier. Rêve champion, ouais. Rêve champion, rêve champion. Tu me dis rêve champion, fais mordre la poussière. Tu me dis rêve champion, sans regarder derrière. Cours champion, saute champion, c'est toujours le même air. Et merci papa, ouais, paraît que t'es fier.